Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Nous arrivons vers vous de l'autre Notre-Dame, de celle qui s'élève au cœur de la cité dans sa royale robe et dans sa majesté, dans sa magnificence et sa justesse d'âme. Comme vous commandez un océan d'épis, là-bas vous commandez un océan de têtes. Et la moisson des deuils et la moisson des fêtes se couchent chaque soir devant votre parvis. Chartres est une cathédrale, dit Charles Péguy, qui en 1913 se rend à pied depuis Notre-Dame de Paris vers la capitale de la Beauce. Construite sur les ruines d'un édifice datant de la fin de l'Empire romain, victime des sacs des Visigoths et des Vikings, la cathédrale de Chartres est ravagée par le feu en 1194. Elle est reconstruite au XIIe siècle, grâce aux dons, collectes de la population, des seigneurs de l'Île-de-France et des rois. Du financement participatif avant la lettre, nous n'avons rien inventé. La nef est achevée en 1210. Elle hérite d'une partie importante des reliques rapportées de la quatrième croisade après la prise de Constantinople en 1204. Les innovations techniques mises en œuvre par les architectes permettent à l'art gothique de s'épanouir avec des arches, des voûtes qui prennent peu à peu leurs formes allongées et succèdent à l'art roman. Le gothique permet de grandes ouvertures sur l'extérieur. Ce sont les compagnons qui élèvent l'édifice à plus de 115 mètres de haut. Notre-Dame de Chartres. C'est la cathédrale la plus emblématique de l'art gothique. Son chœur est le plus vaste, son transept également. Elle compte 3500 statues, l'une des plus grandes rosaces du monde, 2600 m² de vitraux, le plus grand ensemble de vitraux médiévaux, dont l'essentiel date du XIIe et XIIIe siècle. Le bleu des vitraux de Chartres est unique et contribue à la renommée de la cathédrale et de la ville. Ces millions d'images, les vitraux, livrent le miroir de la société médiévale, de ses tensions, de ses choix culturels et politiques et de sa foi. Cet immense travail mobilisa des centaines d'artisans commandés par l'évêque Renaud de Monçon, un bâtisseur. Les vitraux célèbrent la liturgie, les chevaliers se battent entre eux, tandis que s'affairent boulangers et bouchers, cordonniers et drapiers. La vie de cette France du XIIIe siècle se lit dans ces petites œuvres d'art qui racontent un monde qui s'affaire sur les chemins dans les champs, les vignes, les boutiques, les chantiers, les ateliers. Le vitrail reflète les mutations de cette société et joue un rôle moteur dans la révolution de la sensibilité gothique. La fabrication du verre, sa coloration, la ferronnerie, la préparation des plombs et surtout le travail artistique des maîtres verriers font des 176 fenêtres et rosaces un des chefs-d'œuvre artistiques de notre pays. Faire entrer la lumière dans l'église, c'est ce que voulait Suger, qui avait commencé à mettre en œuvre ses idées dans l'abbaye de Saint-Denis au XIIe siècle, il en était l'abbé, en construisant des chapelles rayonnantes, grâce auxquelles toute l'église resplendit de la lumière merveilleuse et ininterrompue, des fenêtres étincelantes qui rayonnent leur beauté à l'intérieur, a-t-il écrit. Notre-Dame de Chartres en est l'expression la plus achevée. La cathédrale a traversé les siècles, presque un millénaire. Elle fut construite en un temps record pour l'époque. Saint-Louis consacra solennellement la cathédrale en 1260 et Henri IV fut le seul roi de France à y être couronné en 1594. Reims, lieu habituel du couronnement des rois, étant à cette date encore entre les mains de la Ligue.